إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 33 dans l'explication du Kitab al-Tawhid, dans le Moulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. Et aujourd'hui on commence le chapitre numéro 24, qui est un chapitre au sujet de la sorcellerie et de la magie. Et le titre donc c'est Babun ma ja'a fi al-sihr, ce qui a été dit au sujet de la sorcellerie. Et on sait que la sorcellerie en islam, c'est kufr. On sait que c'est de la mécréance, que c'est du shirk, hein, et que malheureusement c'est répandu dans plusieurs pays musulmans, et que beaucoup de musulmans qui justement sont dans des milieux où les gens pratiquent ces choses-là, plusieurs d'entre eux ignorent le hukm, plusieurs d'entre eux ignorent le verdict de l'islam au sujet de la sorcellerie. Et ils ignorent que c'est kufr ou shirk. Et il y en a dans certains pays où ils ont mélangé la sorcellerie avec l'islam, hein, dans le sens que ils font de la sorcellerie et ils essaient de faire croire aux gens que c'est relié à l'islam, ou bien qu'ils sont des gens religieux lorsqu'ils font de la sorcellerie. Parfois ils se donnent l'image d'un marabout, un religieux, ou de quelqu'un qui est un cheikh ou hein, quelque chose comme ça. Donc ça donne aux gens l'impression que c'est quelque chose de correct, ou que c'est quelque chose de permis ou d'acceptable, et même parfois d'enviable pour certains, surtout ceux qui ont des mauvaises intentions et qui veulent profiter de l'argent des gens de façon illicite, hein, en leur faisant des potions ou des sorcelleries ou des amulettes ou des trucs de ce genre, avec du sihr, avec du shirk et des choses de ce genre. Donc, malheureusement, c'est un fléau qui est répandu dans plusieurs pays musulmans, et même dans les pays non musulmans aussi, également. Et étant donné que les lois laïques et les pays de Kufriani ne considèrent pas la sorcellerie comme étant quelque chose de réel, donc étant à cause de ça, il n'y a pas de loi chez eux qui gère ou qui régisse ces questions de sihr, comme il y en a dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui a établi des punitions et des règles par rapport à ceux qui pratiquent ces choses-là. Donc c'est quelque chose de très dangereux, et donc il faut obligatoirement expliquer aux musulmans le verdict de la charia au sujet de ces choses-là. C'est très important. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne dans son livre Kitab al-Tawhid le premier verset qui est le verset 102 dans Surat al-Baqarah, qui est une référence au sujet du verdict de l'islam vis-à-vis de la sorcellerie. Et c'est le verset 102 donc dans Surat al-Baqarah. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité qu'une partie du verset, parce que c'est un verset qui est très long et qui est très disons qui est élaboré. Il y a beaucoup d'exemples et d'explications mentionnées dedans, mais le cheikh lui il s'est limité à mentionner seulement une partie du verset. c'est wa qawli Allah ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ça c'est une partie du verset qu'il a cité qui dit: et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir, c'est-à-dire qui apprend cette sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. C'est-à-dire ceux qui s'adonnent à la sorcellerie ou qui apprennent la sorcellerie, quand ils l'apprennent, ils savent déjà en partant que du moment qu'ils ont accepté de l'apprendre et qu'ils l'appliquent ou qu'ils le pratiquent, qu'ils n'ont aucune part dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus rentrer au paradis par la suite, parce qu'ils ont, c'est comme s'ils ont fait un pacte ou une entente avec le shaitan, hein, et qu'ils vont, et ils ont accepté d'être des mouchriquins et des koufars, et qu'ils savent qu'ils n'ont plus le droit d'entrer au paradis par la suite, et que leur destination c'est l'enfer. Donc ça c'est le prix qu'ils ont. Le prix pour lequel ils ont vendu leur âme, hein? Donc c'est pour cette raison là que vous voyez chez ces gens là c'est des gens qui aiment la dunya et qui sont prêts à tout, hein, pour obtenir des choses dans cette dunya, et donc ils en profitent, hein? Ils en profitent de cette dunya et ils font du tort à eux-mêmes et aux autres, justement parce qu'ils n'ont plus d'espoir en l'au-delà, puisqu'ils ont vendu leur âme. Donc ils disent on n'a plus rien à perdre. Et ils font juste qu'augmenter leur châtiment. Donc ça c'est le verset en question que j'ai lu. Et je vais juste voir si on ne pourrait pas rajouter quelques clarifications ou exemples tirés du charh du Cheikh Al-Fawzan qui est plus détaillé. Et un tout le mustafid à ce sujet-là. Ok, donc. Ok, d'accord. Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va lire le verset qui est mentionné en premier, le verset 102 en entier, pour comprendre exactement le verset au complet, qu'est-ce qu'il dit. Le Cheikh, il mentionne donc une partie de ce verset-là. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم. Donc ça c'est le verset en question, et ça signifie: et ils suivirent ce que les shaytans, ou ce que les diables, les shayatin, ont raconté au sujet du mulk, du règne de Suleyman. Donc ils suivent les diables et ce que les diables ont mentionné au sujet du règne de Suleyman. وَمَا كَفَرَ Suleyman. Mais ce n'est pas Suleyman qui a fait le kufr, qui a mécru, mais c'est bien les shayatin, c'est bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, c'est-à-dire ces diables, ils enseignent aux gens la magie et la sorcellerie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harout et Marout à Babylone. Parce qu'il y a les deux anges Harout et Marout qui sont descendus à Babylone et qui ont testé les hommes. Ils sont descendus comme un test pour les hommes. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord: nous ne sommes rien qu'une fitna, hein? Nous ne sommes qu'une tentation, qu'un test, qu'une épreuve. Alors ne sois pas mécréant. Donc avant de... ils sont descendus avec ça comme une épreuve, comme un test, pour tester les hommes. Et puis, une fois qu'ils arrivaient aux gens pour leur dire à propos de la sorcellerie ou des choses de ce genre et pour leur enseigner, il ne leur enseignait rien, sauf yani, après leur avoir expliqué que c'est une épreuve et que c'est un test et qu'il ne doit pas l'apprendre et qu'il ne doit pas l'étudier et que sinon il allait être mécréant. Il disait, avant d'enseigner, il disait, nous ne sommes qu'une épreuve, qu'une tentation, alors ne sois pas mécréant, c'est-à-dire n'apprends pas la sorcellerie, sinon tu vas devenir kafir, tu vas être mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Hein? Donc ça, ça fait partie des différentes sortes de sorcellerie qu'ils apprenaient, comment créer de la désunion entre un homme et sa femme. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Donc, ils ne peuvent faire de tort aux gens que selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et ce qu'il a écrit pour les créatures. Hein, donc, ils sont limités dans le tort qu'ils peuvent faire aux hommes. Hein, ils n'ont pas un pouvoir qui est absolu de faire le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est au-dessus d'eux et qui contrôle ces individus-là et ces choses-là. Et c'est-à-dire que même si quelqu'un essaie de te faire du tort, ils ne pourront te faire du tort que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. Et s'ils veulent te faire un bien, ils ne pourront te faire que le bien que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. Hein? Comme c'est mentionné dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, lorsqu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné ces paroles-là. Et donc, ça c'est quelque chose qui rappelle aux croyants qu'il doit mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans les questions de sihr et dans les questions en général de la vie. Hein, il ne doit pas avoir peur de ces choses-là et avoir peur de ces gens-là. Ensuite, le cheikh dit, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Donc, ils apprennent ce qui leur nuit, ce qui n'est pas bénéfique pour eux. Hein? Et ils savent très certainement que celui... Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme. Hein? C'est ça qu'on expliquait au tout début, comment ils ont vendu leur âme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit justement dans ce verset-là, justement. « Wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum » Quel détestable prix ou quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Hein? ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. C'est-à-dire, et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure si seulement ils savaient. Donc ça c'est le verset 102 en question, qui est un verset très important dans la compréhension du verdict qui est relié à la sorcellerie par rapport au principe de l'islam. Et donc, on va lire maintenant la suite. On va voir qu'est-ce qui est mentionné et jusqu'où. Ah oui, c'est ça. Donc, ensuite de ça, le cheikh, il mentionne un autre verset, qui est le verset 51 dans Sourate An-Nisa. Le verset 51 dans Sourate An-Nisa, dans lequel... Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne, il dit, وَقَوْلِهِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. C'est-à-dire, il croit en la magie, al-jibt, wa-t-taghut. C'est, yani, qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le shaitan, hein, et des choses de ce genre. Et, parfois j'ai fait, parfois, ça, yani, en regardant le mot tarot, yani, j'ai comme eu l'impression parfois que, comme par exemple, qu'est-ce que les koufars pratiquent comme l'effet de lire les cartes ou des choses comme ça, ils appellent ça le tarot. Ça donne l'impression que ça vient de ce mot-là, tarot. Hein, quand ils disent lire les cartes et des choses comme ça, tarot, le tarot en français. Hein, c'est des cartes spéciales avec des dessins là, des choses là, comme ils essaient d'interpréter ça par la suite. Les gens pigent des cartes et des trucs comme ça, puis ils essaient d'interpréter qu'est-ce que ça signifie, et puis ils donnent aux gens leur soi-disant destin par la suite. Il va t'arriver ça, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas faire ci, ça. Donc ça, c'est qu'est-ce que font les voyants et les médiums, les trucs comme ça. Ça, c'est, ça fait partie du sihr aussi. Ça fait partie aussi de la sorcellerie. C'est les kuhan, c'est-à-dire les médiums et les voyants. Et il y a un chapitre qui va venir plus tard qui parle de ce sujet-là en particulier. Mais il faut comprendre que ça aussi, ça rentre dans le sihr et dans le hukum, dans le même verdict que la sorcellerie aussi. Et peut-être que si on fait une recherche étymologique pour voir d'où vient le mot tarot, on pourrait peut-être en savoir plus sur est-ce qu'il y a un lien entre le mot arabe tarot et ce mot-là. C'est bien possible, même si j'ai pas fait de recherche à ce sujet-là, mais c'est juste quelque chose qui m'est venu par la tête comme ça, puis j'avais l'impression peut-être qu'il y avait un lien entre ces deux mots-là. Wallahu a'lam. Donc ensuite, le cheikh donc il dit minuna bil jibti wa tarut. Le verset au complet c'est quoi? Le verset 51 dans sourate An-Nisa, ça dit alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wa tarut wa yaquluna lil ladhina kafaru ahaula ahda min alladhina amanu sabila. Donc ça c'est le verset qu'on a lu dans les chapitres précédents. Le cheikh il a mentionné ce verset là déjà. Il dit qala Omar, ça signifie n'as-tu pas vu celui qui n'as-tu pas vu ceux-là qui ont reçu une partie du livre ajouter la foi en le djibt, c'est-à-dire la magie, et le tarot, c'est-à-dire le shaitan, et dire en faveur des mushrikin, ceux qui ne croient pas, ceux-là sont meilleurs ou sont mieux guidés sur un meilleur chemin que ceux qui ont cru, c'est-à-dire que les musulmans, que les muslimounes. Donc ça c'est le témoignage des juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet des mouchriquins, en disant que les mouchriquins sont meilleurs que les croyants, parce qu'ils font quelques bonnes actions, donc ils les considéraient meilleurs, et ça c'est un faux témoignage de leur part. Donc encore aujourd'hui, ils font encore des faux témoignages comme ça, puisque pour eux, les pires êtres sur la terre sont les musulmans. Et peu importe les actes, il y en a de shirk que les autres êtres humains peuvent faire sur la terre, pour eux, sont toujours meilleurs que les musulmans, puisqu'ils ne donnent pas d'importance au fait d'être sur le tawhid et d'adorer Allah seul, alors qu'ils connaissent le tawhid. Les juifs, ils connaissent le tawhid et ils savent qu'est-ce que ça signifie. Mais, étant donné qu'ils sont... ils ont quitté la foi à cause de leur jalousie et de leur orgueil, de leur arrogance. À cause de ça, ils refusent de témoigner un témoignage de vérité et d'accepter la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils persistent à renier donc qu'est-ce qui est comme vérité chez les gens qui suivent l'islam. Donc le cheikh il dit ensuite, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne les paroles des salafs au sujet de l'interprétation de ce verset. Il dit wa qala Omar al-jibtu al-sihr wa al-taghut al-shaytan wa qala Jabir al-tawaghit kuhan kana yanzilu alayhim al-shaytan fi kulli hayyin wahid. Donc ici le cheikh il mentionne donc que Omar radiallahu anhu il a expliqué que al-jibt c'est la sorcellerie et al-tarut al-tawarit c'est al-tarut c'est le shaitan. Donc al-jibt c'est al-sihr, c'est la sorcellerie, la magie, et al-tarut c'est le shaitan. Et Jabir Ibn Abdullah, il a dit que Tawarit, ce sont les médiums et les voyants. Tawarit, ce sont les médiums et les voyants, et que les diables descendent sur eux pour leur donner des informations et des choses de ce genre. Fi kulli hayyin wahid. Donc, c'est-à-dire dans chaque quartier ou dans chaque tribu, il y en a un. Il y en a un médium ou un sorcier. Et le shaitan descend sur eux pour leur donner des informations et pour faire la fitna avec ça. Donc le cheikh il explique, il dit munasabatul bab li kitab at-tawhid. Donc en quelle occasion on a mentionné ça, ce chapitre là dans le livre Kitab at-tawhid? Pourquoi il est placé dans Kitab at-tawhid? Le cheikh il dit munasabatul bab li kitab at-tawhid annahu lamma kana as-sihr min anwa' ash-shirk iz la ta'ti as-sihr bidun ash-shirk عقد له المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه. Donc le cheikh a dit l'occasion pour laquelle on a mentionné donc ce chapitre dans le kitab al-tawhid, c'est que étant donné que al-sihr ça fait partie des catégories de shirk et que quelqu'un ne peut obtenir ou apprendre la sorcellerie sans avoir fait le shirk auparavant, sans avoir fait un sacrilège ou un acte de shirk, parce que c'est une condition pour pouvoir apprendre de la part des shayatin la sorcellerie. C'est comme si c'est inclus avec le sihr, c'est-à-dire que si tu veux l'apprendre, tu pourras pas l'apprendre sans avoir commis un acte de sacrilège ou de shirk avant qu'ils te l'apprennent. Ou avant qu'ils te rendent le service, ou qu'ils te donnent le service par rapport au sihr. Donc c'est relié au shirk directement. Hein? Ça peut pas être séparé du shirk. Tu peux pas l'apprendre sans faire du shirk, et tu peux pas l'utiliser ou avoir les services des sorciers sans faire du shirk. Donc dans toutes les situations, c'est relié au shirk. Et donc c'est pour cette raison-là que on le relie hein, au shirk. Et pour quelle raison on en parle dans Kitab al-Tawhid? C'est à cause de ça. C'est parce que c'est quelque chose qui vient détruire ton Tawhid, qui vient détruire le Tawhid. Après le shaykh il dit wa aqada lahu al-musannif hadha al-bab fi Kitab al-Tawhid li yubayyana dhalika tahziran minhu. Donc l'auteur l'auteur de ce livre, donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a clarifié donc dans ce chapitre et dans le Kitab al-Tawhid, il a clarifié cette question là dans le but de mettre les gens en garde et d'avertir hein, à ce sujet, pour mettre les musulmans en garde et pour leur faire comprendre le danger du sihr. Ensuite le cheikh il dit dans l'explication de qu'est-ce qui est écrit dans le titre, ما جاء أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله في السحر. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه وشرعا عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. Donc ça c'est l'explication de qu'est-ce qui est dans le titre. C'est ma ja'a, c'est-à-dire qu'est-ce qui est venu ou qu'est-ce qui a été mentionné ou rapporté comme menace ou comme clarification de qu'est-ce qui est en contradiction ou en opposition avec le tawhid au sujet du sihr et de la mécréance de celui qui le fait, de celui qui pratique le sihr ou qui a recours aux sorciers, hein, que ce sont des kuffars ceux qui font ça, hein, que ce sont des mushrikoun, kuffars et des mushrikoun. Et le sihr en arabe, dans la langue arabe, ça veut dire quelque chose qui est subtil et qui est caché. Donc on l'appelle sihr. Hein? Ça c'est linguistiquement. Et en ce qui concerne sur le plan de la charia, sur le plan de la définition religieuse, sihr c'est quoi? Selon la religion, selon la charia, ce sont des différentes incantations et des paroles ou des remèdes ou certaines choses que des nœuds parfois qu'ils font sur des cordes ou des choses de ce genre qui sont utilisées par les sorciers pour essayer d'affecter le cœur des personnes ou bien d'affecter leur corps. Ça peut être une affection ou un effet qui est physique, qui va avoir un impact sur le corps, qui va rendre la personne malade, qui va la tuer, ou bien qui a un effet sur le cœur qui va faire en sorte que la personne se met à changer, elle commence à détester la personne qu'elle aime ou à aimer la personne qu'elle détestait, ou des choses de ce genre. Ça a un effet sur son cœur, comme par exemple ceux qui font de la sorcellerie pour séparer entre un homme et sa femme, ou entre une femme et son mari. Donc ça, c'est des exemples de sorcellerie, et ça, c'est la définition donc dans la charia. Et ça, c'est quelque chose qui est réel, c'est-à-dire que la sorcellerie, c'est quelque chose qui est réel, qui a un effet réel, dans le sens que c'est pas quelque chose d'illusoire ou d'imaginaire ou quelque chose qui est des superstitions ou des choses qui sont inventées. Ce sont des choses qui ont des effets réels, même si on n'est pas capable nécessairement de le prouver, parce qu'on peut pas prouver ces choses-là scientifiquement, puisque ça fait partie du rêve, c'est-à-dire les shayatin font partie du monde de l'invisible, et on peut pas prouver avec des expériences scientifiques l'existence des shayatin. Donc ça fait partie de la foi, ça fait partie de la foi en l'invisible. Et donc celui qui rejette la sorcellerie et qui rejette dans le sens qui rejette qu'est-ce qui a été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala et par son prophète au sujet du fait que la sorcellerie existe et que c'est quelque chose qui est réel et qui croit pas ça, donc il a contredit la aqida qui est correcte, hein, il a contredit la bonne aqida, puisque Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont mis en garde contre la sorcellerie et ont mentionné que ce sont des choses qui existent et qui peuvent avoir un effet sur les gens, hein, et que ce sont des effets cachés, c'est-à-dire que la façon dont la sorcellerie fonctionne, c'est une manière qui est pas visible à l'œil, c'est pas des effets qui sont des effets directs observables, ce sont des effets qui font partie des effets subtil et invisible qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Et donc il y a des gens de Bid'a comme les Mu'tazila qui nient ça, parce que eux ils se basent uniquement sur qu'est-ce qu'ils pensent être logique et rationnel selon leur logique à eux, selon leur logique qui est une logique matérialiste, et ils ne prennent pas en considération le rêve, ou ils ne font pas de différence entre le monde de l'invisible et le monde du visible. Et ils ne font pas non plus de différence entre la dunya et l'akhira. Donc ils jugent toutes choses selon les règles matérielles. Et c'est pour cette raison-là qu'ils nient beaucoup d'aspects de ce qui est inconnu ou invisible. Comme par exemple le fait qu'ils nient aussi le châtiment de la tombe. Donc par exemple, ils vont dire non, on ne croit pas au châtiment de la tombe ou au délice de la tombe, parce que quand on enterre une personne, si on déterre par la suite, on la déterre, on va pas trouver de feu, on va pas trouver de délice, ou on va pas trouver de changement direct. Donc, ils nient à cause de ça. Ils ignorent que ça, c'est une autre dimension, c'est le barzakh, et que c'est une autre dimension, et que nous, on peut pas voir ces choses-là, mais qu'elles sont malgré tout réelles. Et ça, c'est la aqida déviée et la bid'a des Mu'tazila, ce qu'on appelle les Mu'tazila, qui se basent uniquement sur leur tête et qu'est-ce qu'ils comprennent avec leur tête et leur cerveau limité. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet. Donc c'est ça. Maintenant, ensuite, le cheikh, il dit « وَلَقَدْ عَلِمُوا ». Là, il explique le verset 102, hein, dans Surat Al-Baqarah. La partie que le cheikh a mentionnée de ce verset-là, « وَلَقَدْ عَلِمُوا أَيْ عَلِمَ الْيَهُودَ الَّذِينَ اسْتَبْدَلُوا السِّحْرَ عَنْ مُتَابَعَةِ الرُّسُلِ لَمَنْ اشْتَرَاهُ أَيْ رَضِيَ بِالسِّحْرِ عِوَضًا عَنْ شَرْعِ اللَّهِ وَدِينِهِ ». ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. Donc il explique que ils ont su, c'est-à-dire les Juifs ont su que celui qui échange la sorcellerie, c'est-à-dire au lieu de suivre les messagers, il apprend la sorcellerie, que celui qui fait ce commerce-là et qui est satisfait de la sorcellerie en échange de, il préfère la sorcellerie à la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion, alors celui-là il n'aura aucune part dans l'au-delà. Il n'aura aucune part dans l'au-delà. Donc il a vendu son âme pour avoir une petite satisfaction dans la dunya. Quelqu'un il désire quelque chose dans cette dunya. Donc par exemple quelqu'un il désire une femme dans cette dunya, il veut tout faire pour l'avoir. Il oublie al-akhirah, il oublie l'au-delà, il oublie la foi en Allah et il vend son âme au shaitan pour avoir cette femme. Il se dit c'est pas grave si je rejette la foi, c'est pas grave si je vais aller en enfer, au moins je vais avoir cette femme et je vais être heureux. Selon lui, il oublie que le shaitan c'est un menteur. Et donc il vend son âme, il va voir un sorcier et puis il prend une potion ou quelque chose, un charme ou un sort, et puis après par la suite il prend cette femme. Si elle est déjà mariée, il s'arrange pour la faire divorcer, mettre les problèmes entre elle et son mari. Et puis si elle est déjà mariée, eh bien si elle n'est pas mariée, eh bien il s'arrange pour lui donner ça pour avoir pouvoir avoir accès direct à cette femme. Et mais par contre il va vivre dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de sa vie. Et il va être dans l'enfer pour l'éternité, dans l'au-delà. Il a vendu son âme pour une femme. Et ça, c'est juste un exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça aussi, dans lesquels les gens, ils font tout pour essayer de guérir quelqu'un ou de sauver quelqu'un selon ce qu'ils pensent être un moyen correct en utilisant la sorcellerie ou des choses comme ça. Et ils vendent leur âme au diable. Et ils se mettent sous la malédiction éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir un petit bienfait dans cette dunya. Et ils oublient que s'ils étaient patients dans cette dunya, par exemple, s'ils ne pouvaient pas avoir cette femme qu'ils voulaient avoir dans cette dunya, mais que s'il est patient et qu'il croit en Allah et qu'il accepte le décret que Allah a décrété pour lui de ne pas être avec cette femme, s'il était satisfait de ça, et qu'il meurt dans la piété, dans la foi d'Allah et sur le tawhid, il aura au paradis des femmes meilleures encore. Et que cette vie d'ici-bas, elle est éphémère. Donc, il aurait eu des meilleures choses que ça. Mais, étant donné qu'il n'a pas de patience, et il a peu de conviction, il n'a pas de conviction du tout, ou qu'il est dans le doute à propos de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère faire affaire avec le shaitan et vendre son âme que d'attendre et de recevoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense éternelle. Donc ça c'est un exemple. Et c'est la même chose que qu'est-ce que d'autres personnes peuvent faire pour essayer de guérir quelqu'un ou pour essayer de faire du tort à quelqu'un ou ainsi de suite, et d'avoir des recours à ce genre de choses. Et ils ne réalisent pas le prix de ça. Et ce prix-là, c'est un prix que même s'ils pouvaient donner en échange la terre entière en or au jour de la résurrection pour s'en sortir de cette situation-là, ils l'auraient donné en échange d'être épargné du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'attend, pour essayer de racheter son âme qu'il a vendue à un vil prix au shaitan, en ayant recours à ce genre de pratique. Mais il est trop tard. Au jour de la résurrection, c'est fini. Donc, ces gens-là doivent réaliser le danger de ce qu'ils ont pris comme décision et le tort qu'ils se font à eux-mêmes et qu'ils font aux autres. Et ils auront des comptes à rendre pour ça. Et quelqu'un doit réfléchir. Est-ce qu'il préfère le petit plaisir de quelques années sur la dunya à la vie éternelle, qui est dans le paradis? Est-ce que quelqu'un préfère ce petit plaisir qu'il peut avoir dans cette dunya et il oublie le plaisir éternel dans l'akhira? Celui qui agit comme ça, il a peu de raison ou pas de raison du tout. Hein? Donc ça c'est juste pour faire comprendre le problème et la grandeur de ce danger-là. Et le cheikh il dit « Al-jibt kalimatun taqa'u ala sanam wa sahir wa al-kahin » وتفسير عمر له بالسحر من تفسير الشيء ببعض افراده. Donc il parle au sujet du verset maintenant. L'autre verset qui est le verset 51 dans sourate An-Nisa, il dit al-jibt, c'est une parole qu'on peut appliquer à l'idole, on peut l'appliquer aux sorciers et aux médiums et aux voyants aussi. Et Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il explique le mot jibt par la sorcellerie, sihr, ça c'est pour, en fait, ça c'est comme s'il expliquait le mot par une de ses significations. Hein? Et ça c'est courant, on peut faire ça, c'est courant dans les livres de tafsir. Par exemple, parfois, un mot peut avoir plusieurs significations. Okay? Et donc, parfois, un savant de tafsir ou bien un des ulama ou un parmi les sahaba, il va mentionner plusieurs significations ou bien parfois il va mentionner une seule signification parce qu'il veut mettre l'accent ou il veut mettre l'emphase ou l'importance sur ce mot-là en particulier, hein, pour faire comprendre quelque chose par rapport à cette signification-là, mais sans toutefois nier les autres significations en même temps. Hein, ça ne veut pas dire qu'il nie les autres. Ensuite, الطاغوت, le Cheikh il dit, من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل من تجاوز المقدار والحد في العصيان فهو طاغوت فهو طاغوت والطواغيت كهان. Donc on va lire ça après. Le طاغوت c'est quoi? Ça vient du mot طغيان qui signifie la transgression, hein, le dépassement de la limite. Et toute chose qui dépasse la limite et la mesure établie par Allah subhanahu wa ta'ala dans la désobéissance, c'est-à-dire il désobéit et il dépasse la limite que Allah subhanahu wa ta'ala a établie, alors dans ce cas-là, il est considéré comme étant tarout. Il est considéré comme étant tarout. Ensuite, le cheikh explique, il dit dans l'explication de Jabir ibn Abdullah, il dit « At-Tawarit Kuhan », il a expliqué que les Tawarit sont les voyants ou les médiums, hein, ce qu'on appelle comme ça, ou parfois on les appelle des oracles, hein, ou bien d'autres noms comme ça. Bon, toute personne qui prétend connaître qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, ils font partie des Kuhan. Ils font partie des Kuhan, et ça c'est relié, comme on a dit, c'est relié à la sorcellerie aussi, puisqu'ils font affaire avec les diables et les shayatines. Donc, At-Tawarit, c'est comme c'est expliqué par Jabir, il dit que ce sont les médiums. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, Al-Muradu bihi anna al-Kuhan min At-Tawarit, fa huwa min afrad al-ma'na wa laysa al-Muradu al-Hasr. Donc, il explique que, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que les médiums ou les voyants, les gens qui prétendent connaître l'avenir en général, sont une catégorie parmi les tawarit. Hein? Ils font partie d'une des différentes significations du mot tarout. Mais ça ne vient pas exclure les autres significations. Dans le sens que le mot tarout, il est applicable et utilisable pour d'autres catégories également. Comme par exemple, on utilise le terme tarout pour désigner les idoles et pour désigner également les sorciers et pour désigner également les personnes qui acceptent de se faire adorer, qui sont satisfaits d'être adorés ou qui ordonnent aux hommes de se faire adorer, hein, ou des catégories comme ça. Donc ça c'est des tawarit, hein? C'est pas pour limiter la signification à des voyants seulement. C'est juste pour donner un exemple. Ensuite, il dit, il explique la suite de la parole de Jabir. Yanzilu ala ash-shayatin. Yanzilu alayhim ash-shaytan. Yanzilu alayhim ash-shaytan. Ay, ash-shayatin la iblis, khassatan, fa huwa ismu jins. Donc, le shaytan descend sur les kuhan. On veut dire par, ici par le shaytan, les diables en général, et non pas spécifiquement Iblis. Et non pas spécifiquement Iblis. Parce qu'il faut comprendre que le terme shaytan, c'est pas un nom de personne. C'est un nom de catégorie ou de sorte. Dans le sens que quand on dit shaytan ou ash-shaytan, donc ça peut inclure Iblis et ça peut inclure toute personne qui a la caractéristique de s'éloigner de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se rebeller ou de transgresser contre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Donc on peut appeler un être humain shaytan, même un animal on peut l'appeler shaytan aussi. C'est pas un nom de personne. C'est pas nécessairement Iblis, la'anahullah. Mais c'est n'importe quelle personne qui rentre dans cette caractéristique-là et dans cette description-là. Et ici, en particulier, c'est les diables en général qui viennent s'adresser à ces médiums et à ces voyants. Fi kulli hayyin wahid. C'est-à-dire, fi kulli qabila. Donc, le cheikh, il dit, dans chaque quartier ou dans chaque tribu, il y en a un qui vient, dans chaque région qui vient inspirer ces choses-là et donner à ces gens-là des informations. Comme on le sait dans le hadith, ils prennent une information, ils la mélangent avec une centaine de mensonges. Ensuite, le cheikh il dit, في كل حي واحد, il dit, والمعنى الإجمالي للآيتين, يقول تعالى, لقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن استبدل السحر بكتاب الله ومتابعة رسله ما له نصيب في الآخرة. وفي الآية الثانية يخبر تعالى عن اليهود أنهم يصدقون بالجبت الذي منه السحر. Donc le cheikh il explique que la signification générale des deux versets c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les juifs c'est-à-dire les juifs savent que celui qui échange sa religion et le fait de suivre les messagers et d'avoir la foi en Allah, il fait l'échange entre ça et la sorcellerie, et il fait un échange entre le livre d'Allah et le fait de suivre ses messagers et sa portion de l'au-delà pour de la sorcellerie, alors qu'il n'aura aucune part dans l'au-delà. Donc c'est pour dire que ils savent ça. Ils savent qu'en faisant de la sorcellerie, ils ont abandonné, ils ont fait l'échange de leur foi et du fait de suivre les messagers pour cette chose-là. C'est comme si ils ont troqué leur dunya pour leur akhira pour leur dunya, et ils ont échangé ou ils ont troqué leur paradis pour la sorcellerie. Et dans le deuxième verset, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les juifs croient en al-jibt, c'est-à-dire la sorcellerie. Ils croient en la sorcellerie. Et effectivement, c'est quelque chose qui se pratique énormément chez ces gens-là. Et souvent dans les pays musulmans, les gens qui pratiquent la sorcellerie, ce sont des gens qui l'ont appris avec al-Yahoud, avec les juifs. Nasallallahu al-Afiyah. Donc ils sont très forts dans ce genre de pratique, des talismans, puis des sorts et des trucs de ce genre. Nasallallahu al-Afiyah. Donc tout ça c'est du kufr. Il dit, « وَمُنَاسَبَةُ الْآيَتَيْنِ لِلْبَابِ أَنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى تَحْرِيمِ السِّحْرِ وَأَنَّهُ مِنَ الْجِبْتِ. » Donc, qu'est-ce qu'on peut pourquoi on a placé ces deux versets-là dans ce chapitre? C'est parce que ces deux versets-là indiquent l'interdiction de la sorcellerie et que ça fait partie de l'Egypt, que la sorcellerie fait partie de ce qu'on appelle Egypt en arabe, hein, et donc c'est quelque chose qui est haram, qui est kufr. Le cheikh, il explique donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit ou comme bienfait dans ces deux versets. Premièrement, tahrim al-sihr, yani premièrement l'interdiction de la sorcellerie. Thaniyan, kufr al-sahir, donc deuxièmement la mécréance de celui qui pratique la sorcellerie, hein. Également la mécréance de celui qui fait affaire avec la sorcellerie, qui demande à un sorcier. Ça, c'est, il est pas mentionné ici, mais c'est expliqué dans d'autres versets, dans d'autres choses. Puis on va en parler par la suite dans les autres versets et les hadiths qui sont mentionnés. Kufru sahir, donc là, on l'a dit. Thalithan, al-wa'id al-shadid liman a'rada 'an kitab Allah wa istabdala bihi ghayrah. Donc le troisième point, c'est la menace sévère pour toute personne qui s'est écarté ou s'est détourné du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a échangé quelque chose d'autre, hein, qui a échangé le livre d'Allah pour quelque chose d'autre. Et le point numéro 4, anna as-sihra min ash-shirk al-munafi lit-tawhid li'annahu istikhdam lish-shayatin wa ta'alluq bihim. Donc le cheikh, il dit comme point numéro 4 que la sorcellerie, ça fait partie du shirk, qui est en opposition avec le tawhid, car c'est le fait d'utiliser les shayatin, de prendre le service des diables et de s'accrocher à eux, hein, de s'accrocher à eux et de demander leur service. Donc ça, c'est quelque chose qui est shirk, hein. Le cheikh ensuite, il mentionne le hadith qui est mentionné par la suite. Et il dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Donc le cheikh, il explique selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: écartez-vous des sept grands péchés qui vous amènent à votre perte, qui vous amène à votre propre perte. Ils ont dit, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés des moubiqat, c'est-à-dire c'est des péchés tellement grands qu'ils vous amènent à votre perte. Ils ont dit, ô messager d'Allah, lesquels sont-ils? Quels sont ces péchés, ces grands péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ash-shirku billah, c'est-à-dire d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, d'adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le sihr, la magie. Donc première chose, c'est le shirk, parce que c'est le plus grand péché. Puis le shirk billah, et le deuxième as-sihr, et as-sihr c'est la sorcellerie, hein, et la magie, et ça rentre dans le shirk aussi, hein. Donc ça aussi, ça fait partie, c'est les premiers qui sont mentionnés. Puis ensuite, le fait de tuer une âme sacrée qui est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala de tuer, excepté si c'est pour un droit quelconque, lorsque quelqu'un a mérité cette punition-là, hein, lorsqu'il a mérité cette punition, donc il va être jugé selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala devant un juge, et il sera puni par la suite. Hein, dans le sens qu'il sera exécuté lorsqu'il a commis un crime qui nécessite ou qui fait en sorte qu'il mérite d'être exécuté ou de recevoir la peine de mort. Donc ça, c'est une exception, mais sinon en dehors de ça, l'âme de quelqu'un, c'est interdit de la prendre, hein, excepté celle que Allah subhanahu wa ta'ala a permis dans certains cas, comme par exemple dans le cas d'une peine qu'on applique, ou bien dans le cas de, par exemple, quand c'est le djihad, lorsque les croyants font le combat contre les non-croyants derrière leur dirigeant, dans l'armée de ce dirigeant-là. Donc là, c'est considéré comme une situation dans laquelle il est permis de prendre l'arme de quelqu'un. Donc ça, c'est des cas bien spécifiques. Sinon, en général, de prendre l'arme, c'est un crime et un grand péché. Et wa aklu riba, le fait de manger les intérêts bancaires ou les intérêts sur les prêts, de prendre des prêts avec intérêt ou bien de prêter avec intérêt. Wa aklu mal il yatim, et de consommer ou de prendre de l'argent des orphelins. At-tawalli yawm az-zahf, c'est-à-dire de se détourner du combat, de faire de faire une retraite, de battre en retraite le jour de l'affrontement avec l'ennemi. Lorsque tu arrives dans les rangs devant l'ennemi et tu bats en retraite, ça fait partie des grands péchés. Wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, et de lancer des fausses accusations, de lancer des accusations contre les femmes chastes et innocentes parmi les croyantes. Donc ça, c'est des exemples. Et ça, c'est la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des femmes chastes, qu'elles sont innocentes et qu'elles sont chastes et innocentes. C'est-à-dire, elles ne connaissent rien de ce qui est de elles ne connaissent rien des vices, et des choses vicieuses ou des choses mauvaises. Elles n'ont pas de ces pensées-là, puisqu'elles ne les connaissent pas. Ce sont des femmes chastes et croyantes qui ne connaissent que la piété. Malheureusement, aujourd'hui, avec beaucoup de moyens de communication qui existent, et par beaucoup d'autres choses aussi dans la société, parce qu'il y a beaucoup de perversité et de corruption qui sont répandues dans la société, bien à cause de ça, justement, le fait qu'il y a beaucoup de mixité aussi entre les garçons et les filles depuis la jeune âge, eh bien beaucoup de jeunes filles perdent cette innocence-là très tôt. Et la même chose pour les garçons aussi, l'Amstan. Et donc, ils apprennent les vices, malheureusement, très jeunes parfois. Et puis, c'est ça qui fait que par la suite, ils tombent dans beaucoup de péchés. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est le hadith qui est mentionné. Le Cheikh dit, « Hadha al-hadith rawahu al-Bukhari wa muslim. » Donc, c'est un hadith qui est rapporté par al-Bukhari et muslim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, « Ijtanibu ay abidou. » Donc, il a dit, « Écartez-vous des sept grands péchés qui vous amènent à votre perte. » Al-Mubiqat, les sept grands péchés qui vous amènent à votre perte. Al-Mubiqat, al-Muhlikat, summiyat Mubiqat, li'annaha tuhliku fa'iluha fi dunya wa l'akhirah. Donc, c'est les grands péchés qui t'amènent à ta perte et qui te font périr. On les appelle Mubiqat, pourquoi? Parce que elles font périr la personne qui les fait dans cette dunya ou bien dans l'au-delà. Ash-shirku billah, donc ça c'est le premier mentionné. Bi'an yuj'ala niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafuhu. Donc faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu lui donnes un ego dans le fait de l'invoquer. Si tu invoques d'autres avec Allah, tu établis avec Allah un égal à lui dans le fait de l'adorer, de l'invoquer, d'espérer en lui et de le craindre. Donc ça c'est un exemple de shirk. Et il dit allati harram Allah wa as-sihr, il mentionne le sihr ensuite, puis de tuer de prendre l'âme de quelqu'un, allati harram Allah, yani harram qatlaha illa bil haqq ay bi fi'l mujibin lil qatl. Donc, l'âme que Allah a interdit, qui a rendu sacrée, Hein, c'est l'âme des croyants et l'âme des mécréants qui sont sous l'entente avec les croyants, qui sont sous l'entente avec les pays musulmans. Donc, leur âme, elle est sacrée également. Et qu'on ne peut la prendre excepté pour un droit. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a commis un acte qui nécessite que cette personne soit exécutée ou qu'elle reçoive la peine de mort. Hein, dans ce cas-là, c'est permis. Mais en dehors de ça, son âme est sacrée et il est interdit de la prendre. Et en islam, la peine pour celui qui tue quelqu'un, c'est qu'il soit tué lui aussi. Ça, c'est la justice que Allah a établie entre les hommes. Que si quelqu'un commet un meurtre, il doit être tué lui aussi. Et ensuite, wa aklu riba ay tanawuluhu bi ayyi wajhin. Donc on dit de consommer les intérêts ou de manger de les intérêts en arabe, aklu riba. Hein, ça veut, littéralement, si on le traduit littéralement, ça veut dire de consommer les intérêts ou de manger les intérêts. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de prendre des intérêts, peu importe de quelle manière on le prend. D'accord? C'est pas de le prendre dans le sens de manger, dans le sens d'acheter de la nourriture avec ou des choses comme ça. Ça peut être de le prendre dans d'autres significations également. Depuis que tu utilises cet argent, ou bien que tu demandes aux gens de l'intérêt ou que tu leur payes des intérêts, tu es rentré dans l'interdiction. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ يعني التعدي فيه واليتيم مَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ دُونَ الْبُلُوغِ. Donc de manger les biens de l'orphelin et l'orphelin c'est يعني, qu'est-ce que ça signifie l'orphelin? La définition de l'orphelin dans l'islam c'est quelqu'un qui, dont le père est mort alors qu'il était qu'il était petit, c'est-à-dire il n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc celui dont le père est décédé avant qu'il atteigne la puberté, il est considéré en islam comme étant un orphelin, même si il a sa mère. Et du moment qu'il a perdu son père, il est considéré comme orphelin. At-tawalli yawm az-zahf أي الإبدار من وجوه الكفار وقت القتال. Donc التولي يوم الزحف, ça veut dire de battre en retraite, hein, quand on est en face des kuffars au moment du combat. Ça fait partie des grands péchés. Donc on n'a pas le droit, hein, on n'a pas le droit de battre en retraite, hein, dans un combat avec les kuffars, excepté selon certaines conditions bien sûr. Hein, par rapport à des conditions qui sont mentionnées par les ulama dans les livres de fiqh à ce sujet-là. Le cheikh dit wa qadful muhsanat, c'est-à-dire de lancer des accusations. Ramyuhunna bizzina wal muhsanat al mahfouzat min az-zina wal murad al harair al afifat al harair al hafif al afifat. Donc yani de lancer des fausses accusations, de lancer des accusations contre les filles qui sont chastes, de les accuser de fornication ou d'adultère. Et quand on dit que les femmes sont muhsanat, muhsan, ça vient de hisn, hein, si je ne me trompe pas, ça vient de hisn. Et comme le livre qu'on utilise, là, le livre de dua qu'on appelle Hisnul Muslim, hein, c'est-à-dire la protection du musulman, hein, c'est une forteresse. Donc al-muhsan, c'est celui qui a été protégé, hein, protégé dans le sens que il est protégé du zina. Ok. Et donc d'accuser, c'est, on traduit ça par la chasteté en fait, mais c'est, ça vient de cette idée de protection contre le zina. Et al-muhsan, c'est la personne qui est mariée, il est protégé par le fait qu'il est marié, ça protège sa chasteté, puisqu'il peut assouvir ses désirs avec son épouse. Hein? Et donc ça c'est l'utilisation du terme muhsan dans ce sens-là. Et al-mahfouzat min az-zina, c'est-à-dire qui ont été préservées donc du zina, elles sont loin de tout ce qui a rapport avec le zina, elles sont chastes. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire les filles, les femmes qui sont libres, c'est-à-dire ce ne sont pas les esclaves, et qui sont chastes, hein, qui sont chastes, c'est-à-dire qui préservent leur pudeur et leur chasteté. Hein. Donc ça c'est très important. Et Al-Rafilat, le Cheikh il dit, عن الفواحش وما رمينا به أي بريئات, c'est-à-dire elles sont innocentes des perversités et des perversités et des turpitudes et des grands péchés dont on les a accusés. Ou donc ça c'est le fait d'accuser des femmes chastes d'avoir commis le zina ou des choses de ce genre. Al-mu'minat billah, c'est-à-dire celles qui sont croyantes en Allah, ces femmes-là qui sont innocentes et chastes, ceux qui les accusent, donc ils ont commis un des grands péchés dans l'islam. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, ya'muru subhanahu wa ta'ala, ya'muru sallallahu alayhi wa sallam ummatahu bil-ibti'ad an sab' jara'im muhlikat, wa lamma su'ila anha ma hiya bayyanaha وبأنها الشرك بالله واتخاذ الأنداد له من أي شكل كانت وبدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب وقتل النفس التي منع الله من قتلها إلا بمصور شرعي وتناول الربا بأكل أو بغيره من وجوه الانتفاع والتعدي على مال الطفل الذي مات أبوه والفرار من المعركة مع الكفار ورمي الحرائر العفيفات بالزنا ووجه سياق الحديث في باب السحر أن فيه دليلا على تحريم السحر واعتباره من الكبائر المهلكة. Donc le Cheikh il explique le sens général de ce hadith. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ordonne à sa umma de s'écarter de ces sept grands crimes qui amènent les hommes à leur perte. Et lorsqu'on lui a posé la question qu'est-ce que sont ces sept péchés, il a expliqué ce que sont ces sept péchés en disant que premièrement c'est le shirk, de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala en prenant des égaux avec lui, peu importe de quelle façon ou de quelle forme sont ces égaux qu'on lui attribue et en leur offrant des actes d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le shirk en premier parce que c'est le plus grand de tous les péchés et ensuite il a mentionné al-sihr et il a mentionné ensuite le fait de tuer, hein, de prendre l'âme de quelqu'un que Allah a interdit qu'on prenne son âme, excepté s'il y a une raison légale en islam pour que on prenne sa vie, comme on l'a expliqué plus tôt. Puis, le fait de prendre ou de consommer les intérêts ou de prendre des intérêts, peu importe que ce soit en utilisant l'argent de l'intérêt pour manger ou bien pour faire autre chose avec, peu importe. Il y a du moment qu'on touche aux intérêts, c'est un grand péché. Et également le fait de transgresser en prenant les biens de l'enfant dont le père est mort avant la puberté, hein, les orphelins, et ça c'est un grand péché aussi, et de se détourner du combat contre les koufars lorsqu'on est sur le terrain de bataille, de battre en retraite, ça c'est pas permis, excepté si c'est une manœuvre de stratégique, hein. On donne l'impression à l'ennemi qu'on se retourne et qu'on barre en retraite, alors l'ennemi suit et puis après on a préparé une contre-attaque contre lui par la suite. Donc ça c'est une manœuvre militaire, ça c'est permis, mais de se détourner et de battre en retraite par peur ou par crainte de l'ennemi sans raison valable, ça c'est interdit. Et ensuite, il dit de lancer des accusations contre les jeunes femmes innocentes qui sont chastes et qui n'ont rien à voir avec les relations illégitimes avec les hommes. Donc c'est ça. Et également aussi que ce soit des relations illégitimes avec des femmes aussi, parce qu'il y a des femmes qui maintenant ont des relations illégitimes avec d'autres femmes, et ça, ça rentre dans qu'est-ce qui est haram également, et de plus en plus, ça, malheureusement, ça se répand dans la société. Allah musta'an, ça devient comme la mode, hein, parfois, et ça se produit parfois dans certains pays musulmans. Donc ça, c'est quelque chose qui est haram, hein. Et justement, hier, je suis passé, justement, il y a des choses comme ça qui, dans la rue, on a vu des choses comme ça. Puis, j'ai constaté une chose étonnante souvent, c'est que quand il y a deux femmes comme ça, c'est souvent une des deux qui se donne l'apparence d'un homme, hein, qui se donne l'apparence d'un homme, et l'autre qui reste comme une femme. Donc, c'est comme si pour montrer que, en tout cas, Allahu alam, quel problème, pour quelle raison ils font ça, Allahu alam, mais ça fait partie des grands péchés également. Et donc, d'accuser de ça un homme ou une femme, comme par exemple, d'accuser un homme d'homosexualité, d'avoir commis la sodomie ou des choses de ce genre, ou d'accuser une femme de zina, ou un homme de zina avec une femme, des choses de ce genre, sans produire quatre témoins, ça fait partie des grands péchés. Et c'est très grave, hein. Et il y a une punition pour ça dans la charia, pour celui qui fait ça. Le cheikh dit ensuite, ووجه سياق الحديث في باب السحر أن فيه دليلا على تحريم السحر وباعتباره من الكبائر. Donc pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre au sujet de la sorcellerie? C'est parce que dans ce hadith, il y a la preuve de l'interdiction de la sorcellerie et le fait que c'est considéré parmi les grands péchés qui amènent quelqu'un à sa perte. وما يستفاد من الحديث. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait de ce hadith-là? Premièrement, أولاً تحريم الشرك وأنه هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. Donc, premièrement, on peut tirer de ce hadith que le shirk, c'est le plus grand de tous les grands péchés et le plus grand des kaba'ir. Donc, c'est l'interdiction du shirk et le fait que c'est le plus grand de tous les péchés. Il n'y en a pas un péché plus grand que le shirk. Le cheikh dit ensuite wa as-sihr et tahrim as-sihr wa annahu thaniyan tahrim as-sihr wa annahu min al-kaba'ir al-muhlika wa min nawaqid al-islam. Donc deuxièmement, l'interdiction de la sorcellerie et que cela fait partie des grands péchés qui font périr quelqu'un et que ça fait partie des choses qui annulent l'islam d'une personne. Ça fait partie des nawaqid. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a écrit son livre Nawaqid de l'Islam, il a mentionné parmi les Nawaqid, il a mentionné As-Sihr, la sorcellerie, les choses qui annulent l'islam d'une personne. Le point numéro 3, Tahrim ou Qatl al-Nafs bighayri haqq, c'est-à-dire l'interdiction, le point numéro 3, l'interdiction de tuer une personne sans qu'il y ait de raison valable ou de droit qui le permettent, selon la charia. Le point numéro 4, Rabi'an, jawazu qatl al-nafs idha kana bihaq, kal-qisas, war-ridda, waz-zina ba'da ihsan. Donc, le point numéro 4, la permission de prendre l'âme si c'est pour un droit. Si c'est pour un droit. Ça, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer comme compréhension de ce hadith, puisque Allah a interdit qu'on prenne l'âme de quelqu'un il a interdit de prendre l'âme de quelqu'un sauf si c'est pour un droit de la charia. Donc il dit que c'est permis, donc dans ce cas-là, de prendre l'âme de quelqu'un si c'est pour un droit, comme par exemple lorsque c'est pour appliquer le talion, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a commis un meurtre ou lorsqu'il a tué, il va être lui aussi tué. Hein, il a commis un meurtre, il a tué quelqu'un consciemment et volontairement, donc dans ce cas-là, il sera lui-même tué aussi. Warridda, donc la personne qui a apostasié, qui a cru en l'islam, puis qui l'a rejeté par la suite. Donc celui-là, il est exécuté dans l'islam. C'est la peine de mort pour celui-là. Et également, az-zina ba'da ihsan. C'est-à-dire, la personne qui a commis l'adultère, hein, qui était mariée, puis qui est allée avoir des rapports sexuels, yani, avec une femme en dehors du mariage. Puis il y a d'autres exemples aussi, il y a d'autres choses aussi qui peuvent faire que quelqu'un soit exécuté dans la charia, comme par exemple quelqu'un qui a commis le viol, hein, ou quelqu'un qui a, par exemple, fait la sodomie, qui a pratiqué la sodomie, par exemple, hein. Lui aussi, il reçoit la peine de mort, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un homme fait avec un autre homme ce qu'on fait avec une femme, hein, ou si un homme fait avec un autre homme des choses de zina, de sodomie, hein, donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqtulu al-fa'il wal-maf'ul, c'est-à-dire tuer celui qui le fait et celui qui se le fait faire. Et bien entendu, c'est pas dans le cas où la personne s'est fait agresser ou violer, par exemple, par un autre homme, hein, comme ça peut se produire parfois, ou une femme qui se fait violer, elle ne va pas être punie, elle va pas avoir une peine. C'est seulement l'agresseur dans ce cas-là, si c'est un viol, c'est seulement l'agresseur qui va être puni. Hein. Tandis que si c'est un acte consenti, alors là, dans ce cas-là, c'est les deux qui sont punis de peine de mort. Et il y a également d'autres crimes qui méritent aussi la peine de mort également, bon, qui sont mentionnés dans les livres de fiqh, et il y a un chapitre dans les livres de fiqh à ce sujet-là. Ensuite, hein, le chapitre Bab al-Hudud dans les livres de fiqh qui explique en détail ces choses-là. Le point numéro 5, Khamisan tahrimu riba wa azimu khatarihi, c'est-à-dire l'interdiction de l'intérêt, des prêts sur l'intérêt ou bien de l'intérêt bancaire ou autre, et la grandeur de son danger, pour montrer comment c'est dangereux. Sadisan tahrimu li'tida ala mal al-yatim, l'interdiction de prendre les biens des orphelins. Sabi'an tahrimu al-firar min al-zahf, septièmement, l'interdiction de battre en retraite lors de l'affrontement de l'ennemi. Thaminan tahrimu al-qadf bil-zina wal-liwat, huitièmement, l'interdiction d'accuser quelqu'un de zina ou d'homosexualité, de sodomie, hein, ça c'est interdit, comme on expliquait, parce qu'une fois que la personne elle a lancé des accusations contre une femme, hein, c'est très dur par la suite de comment on pourrait dire, c'est très difficile par la suite de refaire la réputation de la personne qui s'est faite accuser de cette façon-là, sans preuve. Hein? Et c'est déjà arrivé des fois, ici même, dans cette ville, que des gens ont envoyé des accusations comme ça contre une femme innocente, et par la suite, donc, une fois que la chose s'est répandue, bien, et même si la personne est innocente, ça reste, hein? Et les gens continuent à la regarder mal, malgré que la personne elle est innocente. Et dernière chose, tasi'an anna qadf al-kafir laysa min al-kaba'ir. Donc le cheikh il explique que le fait de ah oui c'est ça. Donc le hadith a mentionné le fait de traiter d'adultère ou d'accuser d'adultère ou de fornication ou d'homosexualité une personne qui est innocente et chaste et croyante, ça c'est interdit, ça fait partie des grands péchés. Mais le cheikh il dit, mais si c'est une accusation faite contre un kafir, ça ne fait pas partie des grands péchés. Si c'est contre un kafir, ça ne fait pas partie des grands péchés, hein? Ou si c'est une personne qui est connue comme étant une personne qui, comme par exemple une fille qui est connue comme étant une fille qui fréquente des garçons, qui sort avec des garçons, qui, hein, qui reste avec des garçons seuls et des choses de ce genre, ça, ça rentre pas dans les catégories de femmes chastes. Comme aujourd'hui, il y a cette catégorie de filles là qui disent, oh, moi je suis une fille d'une bonne famille, je suis de bonne famille, je suis ci et ça, puis qui sort avec des garçons, puis qui marche avec des garçons, puis qui traîne avec des garçons, qui se mélange avec des hommes, et elle dit, je suis une fille chaste, je fais pas de haram. Et même des fois, vous allez entendre certaines qui vont dire, moi je fais pas le haram, hein, dans le sens que elle croit que le fait de pas faire le zina, hein, l'acte lui-même d'adultère, de fornication, que ça c'est suffisant. Du moment que, par exemple, peut-être elle va être avec un garçon, elle va l'embrasser ou elle va faire d'autres choses, elle pense que ça c'est pas grave. Mais c'est, elle pense que ce qui est grave, c'est seulement faire l'acte de zina seulement. Et que dans ce cas-là, elle est restée chaste si le garçon a pas pris sa virginité ou des choses comme ça. Alors que non, la chasteté, ça comprend que la fille, elle a aucun contact, aucun rapport avec des hommes. Hein, et qu'elle ne sort pas avec un homme, parce que sortir avec quelqu'un, prendre un copain ou une copine, ça fait partie des grands péchés. Et c'est haram. Il n'y a pas ça dans l'islam. Il n'y a pas la permission dans l'islam d'avoir un copain ou d'avoir une blonde, d'avoir, comme ici, nous, ici au Québec, les Québécois, ils disent une blonde, c'est-à-dire une petite copine, une amie, hein, une fille qu'ils fréquentent, ou un garçon, ils appellent un chum, ou bien un chum, c'est-à-dire la fille, elle a un chum, ils vont dire, ça veut dire elle a un copain, hein, elle a un ami intime, et ils pensent que ça c'est correct. Et pour certains koufars ici au Québec ou ailleurs, une fille qui reste, si une fille elle est bien, elle est jolie, elle a une belle apparence, ou un garçon s'il est une belle apparence aussi, qu'il est en bonne forme, en bonne santé et tout, puis qu'il n'a pas une copine ou qu'elle n'a pas un copain, ils vont dire, hey, mais qu'est-ce que t'as, comment ça se fait, pourquoi t'as pas de copain, pourquoi t'as pas de copine. Ils pensent que ça c'est pas normal, ils pensent que la personne est malade dans sa tête, elle a un problème, ou bien qu'il y a quelque chose qui va pas, et ils vont lui inciter à aller vers le zina. Oui, va avec un garçon, va avec une fille, et des choses de ce genre, ça c'est des choses haram. Mais il y a des musulmans aujourd'hui, maintenant, ici au Québec, à Montréal, et peut-être même dans d'autres villes en Europe ou ailleurs, qui ont cette mentalité-là, qui pensent que c'est bon, que c'est correct, que c'est permis d'avoir des copains, des copines, et de se fréquenter de cette façon-là dans le haram. Et qui pensent qu'ils sont chastes encore, qu'ils ont gardé leur virginité, donc ça va. C'est pas suffisant. C'est pas juste garder la virginité, puis tu te permets de fréquenter des garçons. Ça amène le doute sur ta chasteté. Ça amène le doute sur ton honneur et sur ta chasteté. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Hein? Et c'est clair que ce n'est pas permis. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera donc l'explication de la suite dans le cours prochain, samedi, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.